L'actualité à Nancy et ailleurs. Voilà un an que la Villa Majorelle à Nancy avait rouvert ses portes après travaux pour les refermer malheureusement à cause de la crise sanitaire. En attendant des jours meilleurs, on peut y faire un escape game, mystère majorelle à faire de chez soi. Sophie Toulouse, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de médiation numérique. Expliquez-nous un peu en quoi consiste cet escape game. Oui, alors l'escape game de la Villa Majorelle en ligne, vous pouvez le télécharger sur vos ordinateurs et le but, c'est de délivrer la famille Majorelle qui a été envahie par les plantes. Sa villa a été envahie par les plantes. Vous pénétrez dans la Villa Majorelle et chaque pièce a une énigme, un petit quiz, une charade en fait à résoudre pour délivrer la pièce des plantes et passer dans l'autre pièce et déambuler ainsi dans la Villa Majorelle. Ça va être l'occasion de redécouvrir la Villa Majorelle qui avait rouvert ses portes après travaux l'année dernière. Oui, elle a été rouverte pendant l'été avec une jauge réduite. On espère aussi que cet été, on pourra la rouvrir aussi avec une jauge à peu près entre 15 et 20 personnes. Mais oui, grâce à l'escape game, mais aussi à une visite virtuelle que vous pouvez trouver en fait sur le site internet du musée d'école de Nancy et de la Villa Majorelle. Vous pouvez visiter la villa malgré tout. Comment est née l'idée justement de proposer cet escape game ? L'idée est née en fait d'une rencontre qui s'est déroulée l'année dernière à Sarrebruck. En fait, c'est Coding Da Vinci. C'est un peu une rencontre entre institutions culturelles et développeurs. Les institutions culturelles sont invitées à déposer des data, des données, à ouvrir leurs données et des développeurs viennent s'en saisir pour créer des dispositifs numériques, donc des dispositifs de communication ou de médiation numérique. Donc nous, en tant qu'institution culturelle, nous avons déposé des images, des ressources documentaires et iconographiques autour de la Villa Majorelle et ça a intéressé certains développeurs, à la fois des étudiants mais aussi des professionnels. Et donc, on a formé un groupe et on a travaillé pendant à peu près un mois et demi sur ce scénario d'escape game. Mais donc, l'idée de l'escape game est venue en fait de l'idée de ces développeurs et de ces étudiants. Ça serait un terrain de jeu parfait. Deux étudiants allemands, je crois. Alors oui, alors au départ, on était un peu plus nombreux. Au départ, on était six. Et puis, avec à la fois des professionnels et des étudiants. Mais ensuite, on nous a proposé en fait de postuler à une bourse parce que l'idée était bonne, le jeu était déjà bien développé. Et donc, ces deux étudiants qui s'en sont saisis, donc Sonia Enz et Benjamin Stenfeld, donc deux étudiants allemands. Et du coup, ils ont travaillé pendant trois mois pour vraiment réorganiser le jeu et puis vraiment le finaliser aussi. Donc le jeu, il est en téléchargement libre sur le site du musée ? Voilà, tout à fait. Donc c'est disponible en fait pour Linux, Windows et puis iOS, donc les différents supports. C'est un téléchargement assez simple et une fois qu'il est installé sur votre ordinateur, vous pouvez jouer. C'est pas la première fois que vous proposez un peu des animations un peu originales. Il y a peu de temps, vous avez proposé un Cluedo en ligne. Oui, tout à fait, oui. Alors ça, c'était avec des étudiants de Nancy, cette fois-ci, de l'Université de Lorraine. C'est un partenariat mené depuis la rentrée de septembre. Mmh. Et finalement, on a tous les ans, on a cette rencontre assez importante pour les musées de Nancy et de sa métropole de nocturne, de nuit étudiante, dans le cadre de la semaine déjà 16, dans le cadre de la semaine étudiante. Et là, on a ouvert finalement les portes en fait aux étudiants en leur disant, enfin nos réseaux sociaux en particulier, en leur disant, on vous fait carte blanche. Donc on a monté des projets, on a eu 7 groupes d'à peu près 5-6 étudiants qui ont monté des projets, donc on a fait toute la semaine. Et le jeudi était en effet dédié à un Cluedo géant, un murder mystery. On avait tué en fait la conservatrice et il fallait trouver l'arme du crime, le lieu du crime et évidemment le coupable. Alors en attendant bien sûr la réouverture prochaine des musées, de pouvoir de nouveau les arpenter, vous avez peut-être d'autres projets à venir ? Oui, en ce moment en fait on a... Pour les vacances sur les réseaux sociaux, vous pouvez découvrir notre série de petites vidéos qui s'appelle « Les animaux se la racontent », où on fait parler des animaux dans les œuvres d'art. Donc c'est eux, cette fois-ci, qui racontent l'histoire des œuvres. Donc ça se passe aussi bien sur nos pages Instagram et Facebook du Musée d'École de Nancy Villa Majorelle pour ses vacances de Pâques. Mais on en a plein d'autres déjà en archive, en fait, pour le Musée Lorrain et aussi le Musée des Beaux-Arts. Et on va continuer aussi pendant les grandes vacances. On a des petits tutos d'art plastique aussi sur nos pages Facebook et Instagram. Et on va bientôt, on est en préparation en ce moment de petits podcasts, hein, aussi encore autour des animaux. Alors cette fois-ci, c'est à l'occasion de la journée de l'art nouveau qui se déroulera en juin. Et donc, on a enregistré avec nos médiateurs des petits podcasts autour des animaux dans les œuvres d'art et en particulier dans les œuvres d'art art nouveau. Voilà, donc une belle actualité à suivre. Et bien entendu, l'escape game, hein, on le rappelle, on redonne le site, hein, c'est musée-école-2-nancy.com. www.escapegame.fr pour bien les télécharger, cet escape game Mystère Majorel, à vivre entre amis et en famille. À partir de quel âge on peut le faire ? À partir de 7 ans. Donc pas d'hésitation. Merci beaucoup Sophie Toulouse. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.